Probablement, ces femmes avaient mêlé dans ma boisson quelques-unes de ces drogues assoupissantes dont elles ont le secret, car je ne m'éveillais que fort tard le lendemain. J'avais un grand mal de tête et un peu de fièvre. Il fallut quelque temps pour que le souvenir me revînt de la terrible scène où j'avais pris part la veille. Après avoir pensé m'appeler, Carmen et son amie accroupis tous les deux sur les talons auprès de mon matelas, échangèrent quelques mots en chipécali, qui paraissait être une consultation médicale. Puis, toutes les deux m'assurèrent que je serais guéri avant peu, mais qu'il fallait quitter ces villes le plus tôt possible, car si on m'y attrapait, j'y serais fusillé sans rémission. « Mon garçon, me dit Carmen, il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant que le roi ne te donne plus ni riz ni merluche, il faut que tu songes à gagner ta vie. Tu es trop bête pour voler à Pastès, sans violence. Mais tu es leste et fort. Si tu as du cœur, va-t'en à la côte et fais-toi contrebandier. Ne t'ai-je pas promis de te faire pendre? Cela vaut mieux que d'être fusillé. D'ailleurs, si tu sais t'y prendre, tu vivras comme un prince, aussi longtemps que les mignons et les gardes-côtes ne te mettront pas la main sur le collet. » Ce fut cette façon engageante que cette diable de fille me montra la nouvelle carrière qu'elle me destinait, la seule, à vrai dire, qui me resta, maintenant que j'avais encouru la peine de mort. Vous le dirai-je, monsieur, elle me détermina sans beaucoup de peine. Il me semblait que je m'unissais à elle plus intimement par cette vie de hasard et de rébellion. Désormais, je crus m'assurer son amour. J'avais entendu souvent parler de quelques contrebandiers qui parcouraient l'Andalousie, montés sur un bon cheval, l'espingole au poing, leur maîtresse en croupe. Je me voyais déjà, trottant par Mons et par Vaux, avec la gentille bohémienne derrière moi. Quand je lui parlais de cela, elle riait à se tenir les côtes et me disait qu'il n'y avait rien de si beau qu'une nuit passée au bivouac, lorsque chaque rhum se retire avec sa romie sous sa petite tente, formée de trois cerceaux, avec une couverture par-dessus.